Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Fraisse Gabriel. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Fraisse Gabriel. Votre nom, comment ça s'écrit? Fraisse. F-R-A-Y-2-S-E. Ah oui, merci.